Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovati con la seconda puntata del 2020 di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Come sempre vi proponiamo il nostro viaggio all'interno della storia e del racconto della storia che va in onda il sabato a quest'ora sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko e disponibile grosso modo a partire dal lunedì sul nostro sito www.radiovalloon.info dove potete trovare tutti i podcast delle nostre puntate. Come sempre, quando sono in solitaria vi propongo qualche viaggio all'interno del racconto della storia. Molto spesso si tratta di libri. Quest'anno abbiamo deciso di provare a fare con voi in queste puntate un viaggio fra musica e storia, ovvero sia il racconto della storia attraverso le canzoni, in cui cerchiamo di spaziare fra generi diversi prendendo sempre artisti che ci piacciono. Abbiamo iniziato con Mobutu, abbiamo ascoltato Gian Maria Testa e poi abbiamo virato verso gli anni 80 con i Franti, un gruppo di Torino, e le successive derivazioni, tutte disponibili al nostro sito per l'appunto. E in questa puntata di oggi andiamo a varcare le Alpi. Proponiamo un ascolto, una serie di ascolti in francese e speriamo che siano comprensibili. Vi chiediamo uno sforzo di comprensione, ma è un viaggio molto interessante perché si tratta di un percorso che facciamo all'interno della storia, ma anche all'interno del presente, della contemporaneità, molto più forte. L'artista che vi proponiamo si chiama Medine, è un rapper di Le Havre, quindi profondo nord, origini algerine che sono state spesso tirate in ballo quando si è parlato di lui, perché in Francia è un nome molto noto, purtroppo non solo per la qualità della sua musica, ma perché nel 2019 doveva tenere dei concerti al Bataclan di Parigi, la famosa sala concerti, teatro dei tragici attentati dell'ISIS, e quest'artista si è trovato costretto ad annullarlo, ad annullare i suoi concerti e il concerto allo Zenith di Parigi, un'altra grossissima sala da concerti, scusate la ripetizione. Perché? Perché gruppi dell'estrema destra lo accusavano di condividere le stesse opinioni degli attentatori islamisti. Il motivo? Medine, come si può immaginare, intuire anche dal nome d'arte che ha scelto, che richiama la città di Medina, per l'appunto la città santa, è un musicista musulmano, è religioso, non ha mai nascosto questa sua fede, ha avuto delle prese di posizione anche discutibili, che a noi non piacciono, e in particolare nei confronti dell'11 settembre, in cui sposa le teorie del complotto, ma anche, ed è quello il motivo per cui è stato criticato, per le sue forti critiche alla laicità. Ma quello che è interessante da capire è il perché lui faccia questo, perché è un artista che è calato in un contesto come quello francese, in cui la laicità, ne abbiamo avuto modo di dirvelo anche noi, è spesso un'arma che viene utilizzata contro la popolazione di religione musulmana. Per capire però la portata di quello che lui intende anche con la fede, con la sua fede religiosa, andiamo a sentire il primo pezzo. Il pezzo si chiama Jihad. Quelques milliards d'années pour un retour en arrière, écrivain arriéré depuis que l'homme est sur terre. Il était une fois un morceau de chair qui pour conquérir le monde, petit homme partisan de guerre. D'un geste habile, Abel devient victime par le meurtre de son frère Kabil, instaure le crime. Ce furent les premiers pas sur terre des criminels, trahison fraternelle, une femme au centre des querelles. Et le règne de l'homme suivit son cours, oubliant son seigneur, celui qui lui fit voir le jour, accumulant les erreurs et les défaites, espérant trouver son coin de paradis par les conquêtes. Alors petit homme sortit son épée de son fourreau et commença à découper toutes les têtes qui se dressa devant lui, les mauvais comme les gentils, les colosses comme les petits. Quoi, histoire, antiquité, Moyen-Âge et Renaissance, une histoire sans équité obtient la rage à la naissance. Avertissement de la part des messagers à qui on tourne le dos et qui nous laisse présager une guerre avant une autre et un mort après l'autre. Un empire, un continent et une race contre une autre. Reste imaginaire, mythologie du Minotaure. Hercule contre Centaure, Achille contre Hector. Comme les responsables n'y sont qu'à moitié. Musulmans contre croisés, Jérusalem et Poitiers. David contre Goliath et Moussa contre Pharaon. Tous devront rendre compte quand sonnera le clairon. Et l'existence aura pris fin. Plus on naîtra de sa poussière de défunt. Un jugement qui se déroule sans injustice, regroupant l'humanité, les dons chargés de bêtises. Mais bien avant, petit homme aura pris le temps de combattre son frère et de verser le sang d'innocents, de coupables présumés, d'instaurer un bordel pas possible en résumé. César, Attila, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Napoléon et Guillaume le Conquérant. Le pouvoir ne fait que changer de prénom. Les méchants restent les mêmes de succession en succession. Couronné par le peuple autoproclamé, le bourreau par la victime se voit acclamé, réclamé le prix d'une liberté promise, en espérant un jour regagner la terre promise. Mujahidin, samouraï ou prétorien, mercenaires, légionnaires, soldats de plomb qui ne craint rien. Général, caporal, sous-officier, depuis le fond de nos entrailles à la guerre nous sommes initiés. Et si le monde d'aujourd'hui a changé, nous explique les génocides et leur sens caché. Qu'on nous explique les conflits qui se prolongent. Le 21e siècle est bien parti dans son allonge. Explique les bouteilles de gaz, l'invention des chambres à gaz, les furtifs hélicoptères qui couplaient celles de Pégase. Le crime est dans nos têtes, enfoui dans nos mémoires. Il suffit de rien pour que le monde replonge dans le noir. Guerre offensive, défensive, guerre mondiale, guerre des nerfs, nucléaire, guerre coloniale. Guerre des étoiles, guerre du feu, guerre diplomatique, guerre des mondes et guerre bactériologique. Guerre froide et guerre de résistance, guerre civile, guerre de 100 ans, guerre d'indépendance. Croix de guerre, chemin de croix et croix de fer. Crime de guerre, cri d'enfer auquel je crois dur comme fer. L'important c'est de participer. Moi je crois bien n'avoir jamais joué à la paix. Une marguerite sur nos fusils à pompe. On déteste les armes et les fabrique en grand nombre. Bene, siete sempre su Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, puntata di oggi dedicata alla nostra rubrica Musica e Storia. Abbiamo iniziato il nostro percorso all'interno delle canzoni di Medine, questo rapper francese musulmano. E il pezzo che vi abbiamo fatto ascoltare è stato tirato in ballo anche in Italia all'epoca degli attentati a Parigi da parte di Adriano Sofri, e che lo utilizzava per indicare il grado di radicalizzazione religiosa che conoscevano i proletari delle banlieue parigine. Ma Adriano Sofri ha fatto un errore, perché questa canzone che abbiamo ascoltato non parla, non è un invito alla guerra santa, altrimenti non l'avremmo trasmessa. Ma è una riflessione più profonda che Medin sviluppa all'interno della storia e all'interno del ruolo che la fede gioca nella storia. L'abbiamo scelto di iniziare questo nostro viaggio fra musica e storia con questo pezzo perché con Jihad Medin racconta la sua visione del fluire storico, una serie di guerre dall'antichità al presente in cui cambiano solo i nomi fra i protagonisti, che possono essere crociati, legionari, saraceni, quello che ci pare. Quello che rimane come costante è il conflitto, un conflitto in cui ci sono delle vittime e in cui la religione, perché questo è il suo punto di vista, non deve costituire un elemento di rottura, ma un ponte di pace. Cita il sottotitolo dell'album, Jihad, per l'appunto, Le vrai combat, c'est dans soi-même, ovvero sia, la vera lotta è dentro se stessi. E questo è molto interessante, perché Medin dedica una grande attenzione nelle sue canzoni, pur con uno stile martellante, anche aggressivo, se l'abbiamo sentito, come tipico dell'hip hop. Cioè abbiamo pezzi più rilassati, più d'atmosfera, ma abbiamo anche dei pezzi arrabbiati. E in questo lui fa un canto che racconta le vittime della storia, ed è questo uno dei canali che seguiremo, uno degli assi che ci guideranno in questa puntata. Proprio parlando delle vittime della storia, proponiamo un altro paio di ascolti. Questa qui veramente facciamo una doppietta, un doppio ascolto, perché ci è sembrato utile raccontarvi una serie che lui ha sviluppato all'interno dei suoi dischi, che è quella degli Enfants du Destin, i figli del destino, i bambini del destino. Canzoni che si ripropongono nei diversi album che lui dedica a queste figure di bambini, a storie di bambini di ogni continente, che sono testimoni muti, in alcuni casi vittime o attori anche della violenza e della drammaticità di quella storia, di quella catena di conflitti di cui ha parlato in Jihad. Sono anche i pezzi in cui emerge il più forte lo storytelling, ovvero la capacità di racconto di questo rapper. I testi sono anche decisamente molto, molto meditati. Il doppio ascolto che vi proponiamo riguarda due personaggi. Il contesto è quello della Palestina. Da un lato abbiamo un israeliano, David, e dall'altra Daoud, un palestinese. Il primo pezzo viene da un album del 2004, mentre Daoud è del 2013, da Protest Song. E fanno parte della stessa storia. Da un lato abbiamo un ragazzino israeliano che ha i genitori militari, che lui sente il dramma di questa scelta da parte dei genitori, della difesa di questo stato che Medin definisce squatter, occupante. Si vorrebbe opporre, sale su un autobus ed è vittima di un attentato esplosivo, un attentato kamikaze. Chi ha compiuto questo attentato kamikaze è Daoud, il protagonista, il ragazzino palestinese che per tante sofferenze decide di ricorrere a questo mezzo drammatico. Veramente due enfants du destin e due storie drammatiche. Au crépuscule, les champs encore ensoleillés, c'est le chant de la rivière et l'odeur des oliviers. L'harmonieux tableau de la saison. David est un juif et ses parents sont colons. Papa est dans l'armée, maman l'est aussi. Engagé après leur fac de médecine aujourd'hui. Ils sont tous deux montés en grade pour avoir démantelé la résistance arabe. David est réservé, solitaire, il se comporte à l'école de manière exemplaire. À la maison, en retrait pour ce qu'il pense. La terre promise est l'objet des divergences. À 17 ans, fils unique mais conscient. Que son père et sa mère ont les mains pleines de sang. Qu'ils détruisent des familles pour l'Empire. Qu'ils sont prêts à faire tout un peuple de martyrs. Pourquoi détruire les maisons des Palestiniens? Après tout, cette terre leur appartient. Même pas en rêve le statut de locataire. Des squatteurs indésirés qui retracent les frontières. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous resterons, croyez-vous pouvoir étouffer la rébellion? Des millions d'enfants qui jettent la pierre contre des chars et des rangées d'hélicoptères. Papa est un soldat déterminé, c'est un peuple de parias qu'il faut exterminer. Demain, il partira pour le Mossad, maman derrière lui pour combattre le djihad. La CIA nous a bien renseignés, dans les caves d'une école, c'est là qu'ils sont cachés. C'est avant l'aube que tous deux partiront. Et violemment savent qu'ils combattront. David impuissant se retire de la maison et pas réfléchir en regardant l'horizon. Mes parents sont insensibles et cruels. Demain ils marcheront sur les débris d'une maternelle. Endoctrinés par les politiciens qui spolient tout un peuple en rassurant l'israélien. Non, je peux pas comprendre qu'ils mordent à l'hameçon. Moi-même j'en ai tiré mes propres leçons. Intelligents, je crois qu'ils comprendront. Si je leur explique de manière bonne et bonne, c'est décidé. Il faut que je rentre chez moi, il court. Mais à pied n'y arrivera pas. Il monte dans un bus, 10 personnes tout au plus. Un homme étrange et des enfants qui s'amusent. L'homme se lève et de ses yeux regarde le fond. Il ouvre son manteau et appuie sur le bouton. Le bus m'emmène dans la ville d'Hébron. Ancienne cité à la minorité d'Hébreux. Souffleur de verre pour le compte de mon oncle. Mon nom c'est Daoud, un arabe au regard ténébreux. Je suis né dans ce genre de nid, tout près du quartier juif, en Cisjordanie. Jamais je ne sors la nuit, pas par peur du noir, mais par un couvre-feu qu'on me force à suivre. Mon défunt frère est mort l'an passé, officiellement pour défaut de laisser passer. Il voulait faire de mes 16 ans un jour exceptionnel. C'était sans compter de sa halle et son excès de zèle. La garde frontière en charge de son contrôle a cru drôle d'ouvrir la boîte au couteau commando, celle qui contenait le kéfier traditionnel. et qui le soir constituerait le fraternel cadeau. Gâteau vandalisé par les gants de cuir d'une soldate qui n'avait que l'intention de nuire. Une vexation à laquelle mon frère réplique par des insultes et des menaces en langue arabe et en hébraïque. De quel droit tu crois pouvoir me gâcher la fête? Je ferais de toi ma chèvre si j'avais le doigt sur la gâchette. Enlève tes sales pattes tout de suite sur cette écharpe. Aveuglé par la colère, un coup lui échappe. Il n'en fallut pas plus pour que le canon crache le feu. Un triplé d'M16 dans le poitrail qui craque le mieux. Ce fut les derniers mots de mon frère, et leur sens était dirigé en ma faveur. Alors aujourd'hui, à la date anniversaire, je m'apprête à rendre l'appareil à l'adversaire qui m'a ôté la compagnie de mon aîné, de mon bien-aimé, m'a pris une large part de mon âme peinée. On me prêtera des intentions politiques, les médias du monde diront que je suis croyant fanatique, que j'ai agi programmé par un parti terroriste, et qu'aussi j'enterre ici tout espoir de paix possible. J'aurais mille raisons de me ceinturer le torse, ce qu'a enduré mon peuple dans un sanctuaire de la mort. C'est blocus, mépris, obus, phosphore blanc, occulte, bouscule l'ONU qui fait semblant. Interdiction d'accès à certaines professions, et sur ta carte d'identité, on y impose ta confession. C'est donc ça la seule démocratie du Proche-Orient? Agir en toute impunité sans qu'on ne lui reproche rien. Mais ma vengeance n'est que personnelle. Lorsqu'on arrive près du checkpoint des criminels, dans le bus, 10 personnes tout au plus, un enfant étrange qui vient de monter semble perdu. Ses yeux me fixent avec insistance, j'ai la drôle d'impression qu'il cherche assistance. Mais mon pouce a déjà enfoncé le bouton rouge. C'est ici que se rencontrent David et Daoud. Sono i 103.1 FM di Radio Città Fujiko, questa è Valloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e abbiamo fatto un doppio ascolto di questa nostra puntata Musica e Storia, è dedicata a Medin, il rapper di Le Havre. Abbiamo ascoltato due pezzi che fanno parte della serie Les Enfants du Destin, e ora andiamo avanti. Andiamo avanti perché Medin racconta con uno storytelling le vittime della storia, racconta la durezza di un conflitto perenne di cui i bambini sono spesso vittime, ma non sono solamente i bambini le vittime, ma lui allarga lo sguardo perché ha una forte consapevolezza di quella che è la realtà francese e di quella che è la realtà mondiale. Sono vittime soprattutto anche i poveri, e i poveri molto spesso in Francia corrispondono con le popolazioni provenienti, issue dell'emigration, si dice, oltre Alpe, provenienti dall'immigrazione. E il pezzo che andremo a proporvi fra poco, Self Defense, dall'album del 2008 Arabian Panther, è un pezzo densissimo. Abbiamo preso uno storytelling più meditato. Con Self Defense alziamo decisamente i ritmi, e Medin in questo pezzo racconta la storia della Francia, la storia delle popolazioni, di quella parte di popolazione francese che non ha la pelle bianca, diciamo, e riflettendo sulla storia di questi francesi ex colonizzati, e costruisce un discorso molto politico in cui mette insieme una serie di personaggi che sono Malcolm X, il leader della resistenza afghana antisovietica, Massoud, Nelson Mandela, i fratelli di Soledad. Chiude il pezzo invocando la liberazione che noi appoggiamo dei prigionieri politici delle Pantere Nere, di Muammar Jamal e del dimenticato leader dell'American Indian Movement, Lenoir Peltier. E perché mette insieme tutti questi nomi? Perché secondo lui la storia delle popolazioni provenienti dalle ex colonie francesi è la storia di tutto il popolo nero, di tutti gli sfruttati, di tutti i subalterni, potremmo dire. Per cui, come ci sono state le pantere negli Stati Uniti, anche in Francia dovrebbero esserci delle pantere per guidare una grande rivoluzione. Andiamo con Self Defense, alziamo il volume e sentiamo questo pezzone di Medina. J'arrive du Havre en dérapage et c'est la pétarade. Encaisse mes textes d'arabe, c'est pas du gangsta rap. Advisory parental, car la paix n'est pas rentable. Plus rien n'est abordable, c'est la panthère arabienne. Made in Records, pas Martin Taiwan. Balance mes punchlines sur machine de guerre. Un Kai venu du sud pour les tourments du studio. Avec un sourire kabyle et la barbe du leader Massimo. Voici 40 ans qu'on a la tourista sur un territoire instable qui spolie notre belle histoire. C'est pour les assister, Brother MC Star, qui falsifient leur visa sous Windows Vista. Moi j'ai l'art et la manière, l'arme et la bannière. Une cartouchière d'encre noire mise en bandoulière. J'ai enveloppé mon arme à feu dans mon cordillère pour braquer le ministère de mon passé terne. On a les termes qui ressuscitent les morts. Et si je tends l'autre joue, c'est pour mieux te mordre. Ah, caractère vénal ne supplie pas les. J'avale le code pénal comme arme supplétable. Et puis j'écris quelques sonnets bas comme à Soledad. Quand les chefs d'état poignardent sous les tables. Sous les dalles sont les descendants de Suleiman. Et sous les draps sont les leaders tombés sous les balles. Me sous les bras, moi j'ai quelques albums sous le bras. C'est de la soul en rap pour bad boy et c'est les rats. Baisser les bras ne se fera que sous la pierre tombale. En ayant vu tous leurs soldats sous injection létale. C'est le meilleur cercueil, reste la mémoire des gens. Je cherche le martyr pour entrer dans la légende. Et je chante le cafard des fauves. Marginalisé, ma musique est le caviar du pauvre. C'est du rap, c'est France, self-défense. Conscient et bête de sens. On fait du son comme on pense, une plaie complète. Le sens de la loi t'oubliera. N'oublie pas ton histoire ou bien le monde oubliera. Je répète, c'est du rap, c'est France, self-défense. Conscient et bête de sens. On fait du son comme on pense, une plaie complète. Le sens de la loi t'oubliera. N'oublie pas ton histoire ou bien le monde t'oubliera. Bene, ci stiamo avviando verso la conclusione della puntata di questo viaggio che abbiamo fatto nella musica di Medine, il rapper francese musulmano, che racconta con una profonda consapevolezza molti aspetti della società francese e della storia francese. Ed è questo il punto. Chiaramente il pezzo che abbiamo sentito, Self Defense, si apprezza molto se uno ha un po' di dimestichezza con la cultura e con le problematiche sociali francese, perché cito una serie di cose. Vi invito anche ad andare a recuperare il video molto bello di questa canzone, in cui si fa riferimento a una serie di immagini che parlano in maniera molto chiara. Dice Medine in questa canzone dare corpo, diciamo, alla loi Taubira, alla legge Taubira, dal nome della deputata della Guadalupe, se non sbaglio, che ha proposto questa importantissima legge del 2001 che ha portato al riconoscimento formale da parte dello Stato francese della schiavitù come crimine dell'umanità. Ora, naturalmente c'è un ritardo di un secolo e mezzo, ma quello che è importante di questa legge è che, oltre ad aver riconosciuto la schiavitù come un crimine contro l'umanità, quindi non una pratica commerciale, ma dava indicazione molto precisa di integrare i programmi scolastici con la storia dello schiavismo. Integrare i programmi scolastici con la storia dello schiavismo significava aprire la porta a quella parte della storia dell'ex impero coloniale francese che i ragazzi dalla doppia identità, avrebbe detto Abdelkader Sayad, il sociologo, portano con sé, fanno parte della loro storia di immigrazione, fa parte della loro storia di francesi. E naturalmente questo ha permesso una grossa riapertura del dibattito storiografico in Francia e del dibattito sul passato coloniale, sul passato schiavista, sulla memoria divisa che in alcuni casi c'è su alcune parti della storia francese. E l'ultimo pezzo che vi proponiamo entra proprio in questa direzione, perché è un pezzo del 2006 da Table de Cout, si intitola 17 ottobre, dedicata al massacro degli algerini del 17 ottobre 1961, compiuto dalla polizia francese contro dei manifestanti non violenti algerini che protestavano contro il coprifuoco imposto durante la guerra d'Algeria. Con questo vi lasciamo, buon proseguimento di giornata a tutti e a tutti da Frey. Ciao! Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colons terratisent. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction, tout un ramassis d'ordures. Quelques degrés au nord de l'équateur, je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed, gangréné du corps par la misère du Maghreb. Par les meurtres, les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot libérateur, emmène-moi au pays des emplois. Loin de l'inactivité beurre algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée, une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre tannée. Acosta Marseille, port autonome, cité phocéenne, un étranger parmi les autochtones. Direction Saint-Charles, gare ferroviaire, embarquement quai 7, voiture 6, wagon fourrière. Croise le regard des îlotiers, me foudroyant le cœur comme un tir de mortier. Reçois la flèche de la haine par les appelés du contingent. Des papiers, je suis français, missio l'agent. Chemin de fer, terminus, Paris, gare de Lyon, la métropole et son peuple par millions. Quelques dizaines de francs serrés dans un point, serviront de premier contact au café du coin. Moi qui cherchais de la chaleur, j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs, couleur iceberg bleuté, bluffé par leur manque d'hospitalité. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. Démoralisé, je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins. Nanterre, monticule de bidonville, habitation précaire pour mon entrée en vie civile. Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titrait couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre, protester contre leurs lois discriminatoires. Investissons leurs ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés dans une prison sans pilotis. Nous sommes enfermés, pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs, leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef partout, les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches, s'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure, dans la chute, violemment ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices, le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer, aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil, sans penser aux tirailleurs et combattants soifs. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen.